La journée du jeudi. Déjeuner. Aujourd'hui. Jeûne. Jus. La journée du jeudi. Virelangue. Juste juge. Juger Gilles, jeune et jaloux. Répétez. Bonjour. Tu es très jaloux. Quelle joie. J'ai mal genou. Attention. Âgé, haché. Genou, chez nous. Jus, chou. Répétez. Âgé, haché. Genou, chez nous. Jus, chou. Répétez. Je joue avec les bijoux des Brigitte. La boulangerie est entre le collège et la gendarmerie. Des jeunes gens déjeunent dans un jardin géant. Aujourd'hui, j'ai mangé du fromage au petit déjeuner. À bientôt.